Alors, la conférence qui suit, quel est le plus court chemin pour parvenir au bonheur? J'imagine qu'après avoir écouté la conférence de tout à l'heure, vous en avez une petite idée. Premièrement, c'est illégal d'être heureux. Puis quand je dis ça, il y a des gens qui disent, il est bien négatif, Daniel Kim. Bon, ben, tout le monde, il est heureux, il est gentil, il est beau. Mais on est sur une planète prédatoriale. On doit tuer pour vivre. On doit manger. On doit essayer de ne pas se faire manger. Les virus essayent. Les bactéries aussi. Ce sont des parasites. Des fois, c'est le patron qui essaye. Des fois, c'est la société. Puis des fois, ben, c'est les voisins, les autres pays qui décident à un moment donné que ben, on en a trop. Où on a leurs affaires, puis les gens déclenchent des guerres. Réalistement parlant, les dieux qui ont chapeauté l'humain pendant 10 à 15 000 ans sont tous morts. Remplacés par de nouveaux dieux, parce qu'à un moment donné, l'être humain en avait ras-le-bol. Certains dieux persistent après encore 12 000 ans. Les dieux, vous ne connaissez pas trop. En sont dans les pays plutôt hindouistes. Et on a des dieux qui datent de 3500 ans, 4000 ans. Ce sont de très bons politiciens. Ils promettent, génération en génération. Ils punissent. Mais ils ne récompensent pas. Ils récompensent, un instant. Vous souffrez un peu moins. Au lieu de vous battre avec 15 coups de fouet, on va vous en donner 14. 13. Puis on va laisser le voisin vous donner les deux autres. Quand on observe la vie, juste avec le phénomène de la vieillesse, le phénomène de la mort, ben déjà là, c'est sûr que je suggère d'essayer de vivre le plus heureux possible parce que de toute façon, apparemment, on s'est fait avoir. Et l'enfer est sur la terre. Peut-être. Peut-être qu'il est après. Fait qu'imaginez-vous à quoi ça va ressembler. Si déjà, il y en a qui pensent que la terre, c'est l'enfer. Selon moi, l'enfer apparaît surtout lorsque l'on est conscient. Donc, plus vous allez être conscient, plus vous allez être consciente, plus vous avez des chances d'être en enfer. C'est peut-être pour ça aussi que les saints, les personnes les plus appréciées des différentes religions, sont ceux qui ont souffert le plus. C'est peut-être les plus conscientes. Dans leur milieu. Gandhi, c'est un grand bonhomme. Pas par sa hauteur physique. C'est un grand homme et non pas un homme grand. Mais il a souffert toute sa vie. Puis on l'a éliminé parce que, écoute, c'est assez de bien qu'il faisait, là. Et c'est fréquent. Je suggère fortement que l'humain essaye d'aller rejoindre des homochrones de bonheur et se balancer du reste. Ça veut dire ne pas aller à la pêche. Par contre, les gens qui sont conscients ont des problèmes. Plus vous êtes conscient, plus vous avez la capacité de mentaliser. C'est-à-dire de vous donner des raisons apparemment rationnelles pour expliquer vos problèmes, pour expliquer votre comportement. La majorité des êtres humains que je connais défendent sans arrêt leur ego, défendent sans arrêt leur ennemi, les manipulations. Un jour, je disais à quelqu'un de cesser de boire, parce que c'est un couple. Et ils sont alcooliques tous les deux. Mais le mari, lui, il est alcoolique, mais son alcoolisme l'amène à être très violent. Et la femme, elle est alcoolique aussi, mais elle n'est pas violente. En tout cas, dans le langage du mari, disons qu'elle est embêtante, mais lui, il utilise un autre terme. Bon. Alors, évidemment, si le mari devient violent, c'est à cause de la bonne femme. C'est pas à cause de l'alcool. La preuve, quand il est tout seul, il ne bat pas sa femme. Bon. On peut mentaliser et expliquer, on aura raison. Je ne peux pas qu'on contredire le bonhomme. C'est vrai qu'il est seul, il ne bat pas sa femme. Puis quand sa femme est là, il abat. Donc, sa femme, qui l'écœure. Sa femme, elle, à un moment donné, j'ai dit, écoutez, c'est elle qui a l'argent en plus. Le bonhomme est handicapé un peu, il ne travaille plus, bon. Puis, elle s'est essayé d'acheter de la boisson. Elle me dit, écoute, tu penses que je vais me couper des derniers plaisirs de la vie à cause de lui? Mais son plaisir dans la vie lui amène que du malheur. Maintenant, je comprends. C'est la nature de l'humain. L'humain, il est bien, fondamentalement, lorsqu'il peut souffrir. Mentalement, vous ne pourrez pas jamais accepter ce que je dis là. Vous ne pouvez pas vous dire, bon, ça y est, j'ai mal au foie, là, maudit que ça va bien. Ça, vous ne pourrez pas le dire. Parce que vous êtes intelligent et intelligente. Mais l'intelligence qui vous habite, vous autres, vous habitez dans un corps qui est manipulé par une nature. Vous avez besoin de manger, que vous le vouliez ou non. Vous avez besoin de dormir, que vous le vouliez ou non. Vous avez besoin de souffrir, que vous le vouliez ou non. Vous avez besoin de vous autodétruire et de mourir. Vous avez un paquet d'autres besoins aussi. Puis l'idée, c'est qu'il faut comprendre la mécanique, parce que si vous vous dites, « Ben non, moi, je ne veux pas ça. Je ne parle pas de vous. Je parle de ce que vous allez faire. » Pourquoi fumez-vous? Ben, parce que ça vous empoisonne. Non, mais c'est parce que je suis pogné. Oui, je le sais. C'est sûr que vous êtes pogné. Vous ne serez jamais pogné à des choses bonnes pour la santé. Mais vous allez être pogné en maudit pour des choses mauvaises. La nature de l'humain est bâtie comme ça. Facile de commencer à fumer et essayer d'arrêter. Facile de commencer à boire, arrêter. Facile de commencer à manger des cochonneries, mais cessez d'en manger à un moment donné. Non, non. Vous êtes malheureux, malheureuse, le sucre, c'est bon, maudit. Vous êtes heureux, heureuse, mais le sucre, c'est bon, maudit. On mange ses émotions avec des choses qui sont mauvaises. Puis ça, ce n'est pas une critique, c'est une observation de la nature humaine. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On essaie d'être à la hauteur de la personnalité que les voisins veulent qu'on aille. On essaie de lutter contre, d'être meilleur que celui que le voisin, d'être le meilleur de l'entreprise, d'être ceci, d'être cela. On essaie toujours un paquet d'affaires. Tout ça parce que pour nous amener un jour vers la mort de toute manière. Donc, je suggère fortement de profiter des années qui restent à vivre pour vivre une vie intéressante. Pour glisser rapidement vers une vie plus heureuse, on doit glisser au mot chroniquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit comprendre les mécaniques du temps, comprendre que le temps n'est pas une chose qui est linéaire, qui est fixe, et comprendre qu'on est dans un monde d'illusions. Tant qu'être dans un monde d'illusions, bien, on va jouer avec l'illusion, on va se donner une vie qui a plus d'allure. Mais pour ça, on doit transformer son égo logique, c'est-à-dire transformer les filtres chez nous. Votre égo logique est sans arrêt en transformation. Parce que la vie vous amène de l'information. Vous filtrez, vous filtrez. Les enfants sont beaucoup plus ouverts parce que leurs filtres, ils ont moins de filtres, c'est moins complet. Plus on est âgé, plus on a de filtres d'accumuler. Et normalement, plus on va être fermé. Il y a des exceptions. C'est évident. Il y a des enfants bornés, il y a des adultes qui ne le sont pas. Mais habituellement, les enfants sont plus ouverts, plus accessibles à découvrir des choses neuves. Donc, normalement, l'enfant va avoir tendance à glisser vers un homocône plus pacifique. Hélas, sa nature va faire en sorte que si, par hasard, il a la chance d'avoir un frère ou une sœur, il ne va pas bûcher dessus. Il s'engueuler, il piquer ses jouets, casser son château de cartes, piler dans ses Legos. Pourquoi? Parce que ça amène le malheur. Glisser dans un homocône où il y a du bonheur, ça veut dire être illégal, être hors la loi. On va tout faire pour vous ramener dans la réalité, c'est-à-dire l'illusion collective. C'est essentiel. Alors, l'humain doit transformer son égo logique pour glisser dans un homochrone où progressivement, il va finir par s'approcher d'un autre chronotype où c'est légal d'être bien, d'être en santé, de ne plus vieillir, peut-être de rajeunir. Ça a l'air fou ce que je dis là, mais c'est aussi insensé que de dire de vieillir. Vous avez déjà eu un bobo, une verrue. C'est poussé, c'est là, c'est de la peau, ce sont des cellules. Vous les coupez, vous les grattez, vous les wardez. C'est là. Puis un jour, la verrue, elle s'en va. Mais regardez votre peau après. Pour la majorité, il n'y a même plus de cicatrices. C'est parti comment? Comment les cellules ont-elles décidé, à un moment donné, tiens, on va s'en aller? On a pris un médicament, le foutu médicament, comment il fait pour dégager les cellules? pour replacer la peau à sa place. Ça marche chez certains. Ça marche pas chez d'autres. Quand j'étais jeune, j'en avais une verrue. Ça, c'est quand on mange mal. La verrue sur les mains, c'est souvent signe de problèmes digestifs. Alors, avec de l'ail, on frotte ça avec de l'ail, frotte ça avec de l'ail, puis ça a l'air que ça a marché, parce qu'il est parti. D'autres frottent ça avec d'autres affaires, puis il y en a d'autres, il n'y a rien à faire, il faut qu'ils achètent des produits. Glisser dans un omocrone plus pacifique, plus à la hauteur de notre intelligence. Je dis souvent aux gens que votre vie est probablement une insulte à votre intelligence. Puis je ne dis pas, ah, mais c'est pas si pire. Je ne vous parle pas de si pire. Je vous parle que c'est une insulte à votre intelligence. La majorité des êtres humains n'ont pas la matière nécessaire pour être libres, pour être créateurs, pour pouvoir faire des choses. Vous voulez prendre des vacances, vous avez des enfants, mais vous partez avec vos enfants. Vous voulez aller visiter l'Afrique, vous allez en Afrique avec la gang, la famille. Ça coûte cher. Ayez de l'argent. Ça, c'est pas si facile. Je sais, c'est illégal. Ceux qui ont de l'argent, les enfants ne veulent pas y aller, puis ceux qui n'en ont pas, les enfants aimeraient bien y aller. J'entends souvent des gens dire, si j'avais la chance d'un tel, moi, je ne niaiserais pas comme lui. C'est ça. C'est pour ça que tu ne l'as pas, la chance. Parce que tu ne niaiserais pas comme lui. Ça fait qu'on t'a ôté les outils. Lui, il a les outils parce qu'il ne s'en servira peut-être pas. Sur la Terre, c'est vrai, plusieurs ont du talent, d'autres ont du succès. Et si vous voulez avoir les deux, ou si vous voulez avoir juste le succès, c'est plus rentable, bien là, vous allez devoir travailler et faire un paquet de compromis. Mais le bonheur n'est pas là-dedans. Alors, on va glisser. Il y a des moyens de le faire. Je vous donne les gros morceaux pendant la conférence. C'est évident que c'est suffisant pour que ça puisse probablement vous aider à travailler les choses un peu. Bon, il y a des cours que, tout à l'heure, on a parlé d'un cours, il y a des cours qui sont donnés à l'Académie qui sont peut-être plus spécifiques sur le glissement homochronique, sur la reprogrammation de l'ego logique, des choses comme ça. Bon, mais quand même, ce que je vais vous donner là, ça va être utilisable en fonction, évidemment, de votre ouverture. Comme là, je suis en train de développer un cours sur... Le résumé du cours, c'est comment faire d'un imbécile un génie. Bon, c'est un résumé. Ceux qui veulent s'inscrire, là... L'idée, c'est que je me suis rendu compte que les imbéciles, ça n'existe pas. Mais les gens n'ont pas les structures cérébrales, les structures de pensée nécessaires pour être efficaces dans telle ou telle situation. Avec ce genre de travail, d'ailleurs, c'est pourquoi je cesse ces conférences régulières, parce que, bon, ça fait 10 ans que j'en fais, et là, je vais m'orienter sur une intervention, disons, pédagogique plus pertinente, dans le but de donner plus d'outils, surtout aux enfants. D'ailleurs, c'est toujours les enfants qui m'ont intéressé, surtout, mais les enfants de n'importe quel âge, là. Il y a des enfants qui ont 55 ans, 60 ans. Les enfants de n'importe quel âge, mais les enfants. Jeunes ou vieux, mais les enfants. Et la majorité de ce qu'on a comme modèle pédagogique amène des structures métacognitives, des structures cérébrales chez l'être humain qui sont totalement inefficaces pour permettre l'expression de l'intelligence chez l'humain. Autrement dit, votre intelligence, chaque fois qu'elle veut s'exprimer, elle doit utiliser des outils qui ne permettent pas son expression. C'est pas ça que je voulais dire, c'est pas ça que je voulais faire. Bien non, tu n'as pas compris, puis on ne comprend pas ce que l'autre veut dire, puis on n'a pas les structures nécessaires. Alors, je vais donc aligner ma vie d'une façon différente pour glisser, évidemment, dans un monde où la pédagogie est à l'honneur. Puis, évidemment, il y en a plusieurs que je vais rejoindre là-dedans. On va se retrouver pour plusieurs. D'autres, c'est probablement la dernière fois de votre vie que vous me voyez. Ah, vous allez entendre parler de moi à travers les transferts homochroniques collectifs. Mais, en tout cas, si on sait, si on est capable d'utiliser des outils pour reprogrammer ces structures égologiques, il arrive ceci, c'est qu'on glisse d'homochrone. Régulièrement, on vous reprogramme les émissions de télévision, votre vie, etc. Plus vous allez avoir d'expérience, moins vous allez être reprogrammable. Parce que vos filtres sont tellement puissants, pas parce que vous vous fiez plus à votre expérience, parce que vous n'avez pas le choix de vous fier à votre expérience, parce que vous refusez le neuf. À 17 ans, l'enfant, il dit, « Bon, ben là, je vais me trouver un emploi. » C'est difficile. Il n'y a aucune expérience. Puis on lui dit tout le temps, « Avez-vous de l'expérience? » Mais non, niaiseux, j'ai 17 ans. « Ah, mais quand vous en aurez, vous reviendrez. » Ben oui, c'est pas mal intéressant. Ça, là, m'apprend d'où mon expérience. L'idée, c'est que le jeune, il finit par en trouver un emploi, puis il s'essaye, puis il continue. À 45 ans, vous perdez votre emploi. Trouvez-vous un autre. Là, vous avez de l'expérience que l'enfant n'a pas. Vous avez des contacts que l'enfant n'a pas. Des connaissances que l'enfant n'a pas. Mais vous pouvez moins que l'enfant, que le jeune. Pourquoi? Parce que là, lui, il est ouvert. Lui, il croit que c'est faisable. L'adulte, son expérience, lui dit que c'est pas si facile que ça. Mais il s'en trouvera facilement, peut-être, un emploi. Alors, où il a ramassé ces conneries-là, qui a rendu un certain âge, c'était plus si facile que ça. Il se dit, ben oui, mais c'est constatable. J'essaye, puis j'en trouve pas. Moi, dans ma famille, puis dans mes amis, à peu près tout le monde, moi inclus, moi, j'ai toujours eu un défaut quand j'étais employé, c'est qu'à toutes les années ou tous les 6 mois, je démissionnais. C'est le seul défaut que j'avais. Et les patrons me réengageaient, ça allait bien. J'ai toujours été très, très stable dans mon instabilité. Mais j'ai toujours eu un emploi la semaine, dans la semaine où j'en cherchais un, puis toujours des emplois dans les domaines qui m'intéressaient, puis souvent dans des emplois dans des domaines dont j'ignorais tout. Ma sœur a fait la même chose, mes frères ont fait la même chose, j'ai plusieurs amis qui ont fait la même chose, puis je connais plein de gens qui, quand ils cherchent un emploi, eux autres, ça fait prendre 1 an et demi avant qu'ils s'en trouvent un. Alors, quelque part, il y a des homochrones qui ne sont pas pareils. Moi, quand je veux un emploi, je me dis, bien, je vais me trouver un emploi, puis je m'arrange pour en avoir un. Mais quelque part, mon ego logique est conçu pour que j'aille un emploi. Pour d'autres, c'est plus méritoire. Donc, il faut qu'ils travaillent énormément avant d'avoir un emploi. Même mes enfants, lorsqu'ils veulent des emplois, s'en trouvent. Mais leur ego logique gère leur vie d'une façon X, Y ou Z. La vie, elle programme vos égos. Et programmant vos égos d'une façon aléatoire, au hasard, vous ne contrôlez rien de la programmation, bien nécessairement, cette programmation-là vous fait glisser d'homochrone en homochrone qui vous amène à des journées heureuses, des journées malheureuses, des journées neutres, etc. Avec une vie normale, quoi. Sauf que quand la vie, quand les événements, quand l'événementiel programme un petit peu votre ego, donc structure votre ego logique vers le mieux, bien, vous allez glisser dans des homochrones un petit peu mieux. Eh oui. À un moment donné, vous allez arriver à un point critique. Plusieurs points critiques. Vous êtes dans un homochrone où ça ne va pas trop bien. Puis à un moment donné, bien là, il arrive les expériences. Vous rencontrez quelqu'un, vous lisez un livre. Bon, il se passe des choses. Ça programme votre ego logique. Et là, vous glissez dans un homochrone où ça va mieux. Mais si ça va mieux, vous allez rencontrer encore plus des gens qui vont bien. Ça va améliorer votre ego logique. Et vous allez glisser dans un homochrone où ça va encore bien. Mieux, mieux, mieux, mieux, mieux. Mais vous êtes dans un chronotope où c'est illégal. Alors, il vient à un moment donné, vous allez arriver à un seuil où plusieurs mécaniques collectives et mécaniques qui vous habitent, ce que j'appelle moi souvent l'ego allié et l'ego anxiome. L'ego allié sont des parties d'ego qui sont construites normalement par l'expérience de votre intelligence chez vous, et qui, normalement, veulent vous amener là où vous voulez aller, vous, en tant qu'être intelligent. L'ego anti-homme, ce sont les processus mémorisés de votre naissance à maintenant, qui travaillent carrément contre la descente de l'intelligence, c'est-à-dire contre votre présence. Moi, j'aimerais ça être en santé. Ouais, ouais, on le sait, on va s'organiser pour que tu manges des chips. Il arrive à un moment donné, vous allez atteindre un seuil de bonheur. Je ne dis pas vous êtes bien, bien heureux, tout barbouillé de bonheur, mais un seuil de bonheur. Et là, il y a des conflits qui vont commencer à apparaître. Vous allez commencer à sentir la pression très forte de certains besoins. Ça sera un besoin de manger mal, ça sera un besoin de créer des problèmes conjugaux, ça sera un besoin de dépenser à outrance, ça sera un besoin de se lancer dans une amanchure d'affaires. En tout cas, il y a différents besoins. Rendu à un certain seuil ici, vous allez être soumis à une pression forte de certains besoins, puis normalement, vous allez succomber aux tentations, puis ça va vous ramener dans l'homochrone plus légal, où vous êtes moins heureux, heureuse. Maintenant, il y a certaines personnes qui, malgré tout, arrivent à percer le seuil ici, puis continuer à vivre, on leur prend ici, à continuer à vivre en glissant dans des homochrones où ils sont de plus en plus heureux, heureuses. À un moment donné, les personnes vont atteindre un autre seuil. Un seuil où il ne faut pas bouger trop non plus. Et là, les pressions vont être beaucoup plus fortes. Mais là, les pressions peuvent venir du milieu, Mais il peut aussi simplement se dégager que chez vous, subitement, vous allez découvrir que vous avez telle ou telle ou telle maladie. Parce qu'on ne veut pas, on doit vous occuper. Un être humain qui n'est pas soumis à la loi de l'occupation, qui est une loi du chronotype, est un être humain qui a subitement du temps pour devenir intelligent. Alors, on s'arrange pour vous occuper en tabarnouche. Un petit film à soir, une petite bière à soir, une petite maladie par-ci, des conneries, s'occuper. La créativité, ça, c'est une belle amancheuse chez l'humain, ça, là. Ça commence à aller bien, là, puis tu commences à passer un paquet d'affaires, tu commences à créer, t'occuper. Les pressions ici jusqu'aux maladies, maladies psychosomatiques, les accidents aussi, on s'arrange. Vous allez, il y a une marche, ici, vous la connaissez, la marche, puis quand vous arrivez cette fois-là, bien, on vous court-circuite. Puis là, vous vous foulez la cheville. Et voilà. Là, vous avez le temps, vous êtes là, on vous occupe un petit peu. Vous revenez. Maintenant, il y a dans la tradition un terme qui est le plan de vie. Le plan de vie, c'est bien. Moi, j'appelle ça une assiette de vie. Pas dire un bol. Un bol, vous savez ce que c'est? C'est-à-dire un rebord. On est dans le fond, nous autres, là. Puis l'autre chronotype, il est l'autre bord du bol. Ce bol-là, c'est un chronotype. T'en iras le bol, là, parce que t'es tout proche de t'en sortir. Puis là, normalement, tu fais ce qu'il faut pour tomber dedans. Bon. L'assiette de vie, vous avez une programmation. Programmation égologique. Vous êtes, dans cette programmation-là, il y a des limites à votre changement, à votre qualité de vie. Il y a des limites. Oui, mais moi, je suis né pour un petit pain. Ça se peut que ce soit vrai. Il y a des limites. Vous avez une génétique qui va peut-être vous donner des maladies cardiaques à un moment donné. Bon, oui. Vous avez une génétique qui peut-être va faire ceci. Il y a des limites. Et physique, et psychologique, et vital, et mental, etc. Alors, vous cheminez, vous, dans votre assiette de vie. Vous allez vivre, jusqu'à temps, vous allez mourir. Mais hélas, certains parmi vous, vous avez des tendances inexorables à évoluer. Et à un moment donné, à vous conscientiser, t'as gros bien pire. Puis là, vous vous approchez des limites de votre assiette, du chronotype. L'autre côté, c'est une autre assiette, un autre chronotype. Il peut être pire. Il peut être mieux. Ça dépend de votre écologique ou ce qui vous amène, mais normalement, on ne sort pas d'un chronotype. Il y a toujours moyen de le faire chez l'être humain conscient. Puis à un moment donné, quand vous allez approcher très, très, très près de l'assiette, là, on a vu ici qu'on avait des points, des seuils critiques où il y avait des pressions. Quand vous approchez de l'assiette, donc pour sortir, là, vous allez réussir un coup qui peut réellement vous aider. Normalement, à ce rendu là, l'étape que l'humain vit, c'est la remise en question complète de toutes ces affaires. Là, il se débine. Il se déprime. Là, subitement, il n'est plus sûr de rien. Là, il ne comprend plus rien. Puis là, il remet en question, différentes façons de remettre en question. Il remet tellement en question ses affaires qu'il retombe dans son assiette à un moment donné. Certains vont dire, écoute, là, finalement, là je n'ai pas le bol, moi, de ci, puis de ça, puis de ça, puis de ça. Puis là, je vais retourner un peu comme tout le monde. Il me semble qu'il me manque. C'est ça. Là, tu es en train de revenir dans ton assiette. Puis je ne dis pas que la personne est mauvaise. Je vous explique une mécanique. Alors que si on arrive sur le bord de l'assiette, puis qu'on sent toutes ces pressions-là, puis toutes ces choses-là, l'être humain qui est connaissant des mécaniques, décode ça comme un symptôme positif. Il doit se dire, ah bien là, il n'y a plus rien qui marche. Ça veut dire que je suis en train de m'en sortir à ces boulots. Puis si la personne reste stable, bien là, sa vie change. Maintenant, la vie, donc, programme votre égologique. C'est intéressant. Et, dépendamment des programmations, on vous amène d'un bord ou de l'autre. Quand vous arrivez à un certain seuil de pression, normalement, on tombe. Fait qu'on revient. Alors, on touche un peu à certains bonheurs. C'est illégal. On touche un petit peu, puis on revient. Ça va. Un bonhomme a dit, le bonheur, c'est le malheur qu'on n'a pas. Ben, regardez la télévision, regardez ce qui se passe en Tchétchénie, puis vous êtes heureux en maudit. Le bonheur, vous n'avez pas. C'est le malheur que vous n'avez pas. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Principe d'équilibre. Mais moi, dans le chronotype que je vise, le malheur des uns, il n'y en a pas. Le bonheur des uns fait le bonheur des autres. Ça m'arrange. C'est plaisant. Si vous avez la capacité volontaire, consciente, de reprogrammer votre ego logique. Mais là, au lieu de vous laisser aller par la vie, on s'en va comme ça, puis on glisse un petit peu, puis on glisse, puis on glisse, puis on glisse, puis on tombe, en reprogrammant volontairement, sciemment, consciemment son ego logique, là, on peut établir des règles, des objectifs, des conditions préalables qui vont faire en sorte qu'on va s'en aller progressivement vers un genre de vie qui nous plaît, donc avec une amélioration, avec une belle-mère ou un beau-père qui commence à être agréable, ça se peut, avec des beaux enfants qui commencent à être agréables, avec un patron ou des employés qui commencent à être intéressants. Moi, j'ai toujours eu une vie illégale. Bon, beaucoup plus heureuse que la majorité des gens. Tous les métiers ou professions que j'ai faits, j'ai adoré. J'ai jamais eu à me plaindre. Mais j'ai travaillé pour Urgence Santé plusieurs années. À un moment donné, on est deux véhicules ambulanciers en attente sur un coin. Ça fait 3 heures qu'il ne se passe rien. Puis là, les gars d'à côté, ils sont là en train de sacrer, puis maudit que c'est plate, puis ils pourraient bien penser à nous autres un peu, parce qu'ils donnent des appels aux autres, apparemment. À un moment donné, ils donnent un appel. Ah, là, sont-ils contents? Ils partent faire leur appel, puis là, ils reviennent. 2 minutes après, un deuxième appel. Ah, ils ne pourraient pas nous lâcher un peu! C'est là l'humain, ça, là. C'est l'humain. Il faut qu'ils chialent tout le temps. Alors que moi, non, moi, ça allait bien. Quand j'avais des choses à écrire, je n'avais pas d'appel. Quand j'avais le goût de faire de quoi, j'avais des appels. Et quand il y avait des types de patients que je préférais que ce soit moi qui m'en occupe, habituellement, on me refilait l'appel à moi. Comme ça, là. Il y a des appels, par exemple, où c'est, bon, un enfant de 12 ans qui est en arrêt cardio-respiratoire. Alors, véhicule médecin, véhicule ambulancier, on s'en va là. Ça roule. Je déteste que les enfants soient en arrêt cardio-respiratoire. Alors, ça roule, on arrive jusque là-bas, la police était, il n'y avait pas genre un autopatrouille là, on arrive là-dedans, on monte en haut, et voilà l'ego logique qui se met en marche. Puis là, j'appelle au central pour dire, dites au médecin de venir normalement. Premièrement, ce n'est pas un arrêt cardiaque, c'est un décès, hein, il est en rigidité cadavérique. C'est pas 12 ans, c'est 72 ans. Vous avez mal compris au téléphone. Ça, c'est l'ego logique, la procédure. Moi, je vais dire, maudit, ils se sont trompés. Mais très souvent, quand c'est je ne voulais pas, ils se trompaient. Ah, bien, ça m'arrange. C'est très, très, très puissant, si on comprend bien le remodelage de l'ego logique, ce qui peut être fait. À un moment donné, une personne m'a dit, quand j'étais jeune, « Écoute, quand tu vas en ville, là, avant d'arriver, commande-toi donc un stationnement, tu as toi à trouver un. » J'ai essayé ça. Je le fais encore, ça marche. Peut-être parce que je suis le seul épais pour que ça marche. Ça ne me dérange pas d'être niaiseux. Je stationne, moi. Mais finalement, est-ce que je commande un stationnement ou si je glisse là où il y en a un? Bien, une chose est certaine, c'est que chaque fois que je décide qu'avant d'arriver là-bas, là, je vais en avoir un, il y en a un. Et je ne suis pas différent des gens. Je comprends des mécaniques. J'ose essayer des choses. Ça ne me dérange pas de comment je me juge ou comment je suis jugé. Il faut faire des expériences. Pendant qu'on vit. L'ego logique, si on le reprogramme, il y a des façons de faire, évidemment. Si on reprogramme son ego logique volontairement, consciemment, ça prend un laps de temps parce qu'il faut reprogrammer, donc il y a des fils qui disent non, non, non, non, non, non. À un moment donné, nous autres, on trouve des façons pour le reprogrammer. Puis en l'ayant suffisamment, quand on commence à avoir des mécaniques de reprogrammation, l'ego logique finit par changer. Puis progressivement, notre vie finit par changer. Combien de personnes ici, vous, intelligemment, consciemment, vous êtes pour la maladie? Il n'y en a pas. Combien parmi vous êtes-vous d'accord qu'on vieillisse? Pas fort. Hein? Vieillir. Combien vous êtes d'accord avec les pertes de mémoire, l'Alzheimer? Avec la mort? Ah, c'est sûr qu'il y a des égologiques qui vont dire, oui, mais il faut mourir un jour. Pourquoi? Ah oui, mais on n'est pas pour vivre tout le temps. Ah oui, mais c'est l'écologique, là. Pourquoi? Ah oui, mais il faut laisser la place aux jeunes. C'est son enfer. Pourquoi qu'on en fait des jeunes? C'est parce qu'on perd des vieux. Sauf que ça marche comme ça. L'ego logique, c'est ce qui vous permet de supporter votre condition. L'ego logique, là, c'est pas l'explication scientifique, logique, claire des choses. C'est ce qui vous permet de supporter votre condition. Parce qu'on est dans la merde par-dessus la tête. Ah, oh, c'est pas si pire. Mais non, c'est sûr, notre ego logique ne nous permet pas d'être pire. Pas si mieux non plus. Reprogrammer l'ego logique, ça veut dire restructurer des mécaniques, bon, fondamentales, naturelles chez nous. Et progressivement, bien, l'ego logique, c'est lui qui nous accroche à des homochrones différents et qui nous fait glisser. Autrement dit, consciemment, fortement, vraiment, changer de monde, changer de vie, bien, ça ne marchera pas. Ça ne passe pas par votre intelligence. C'est l'ego logique, c'est l'ego qui détermine là où on va. Et l'ego, bien évidemment, il y a les motifs là-dedans. Vous pouvez avoir des maladies émotives, vous pouvez avoir des cancers, vous pouvez avoir des ulcères, vous pouvez avoir un paquet d'affaires. C'est l'ego qui décide ça. Vous êtes tout calme, puis la patate, elle vous promène, non, wait donc, calme-toi donc, arrête donc. Oui, oui. Mais ça ne veut pas dire que ça va marcher, ça, là. Vous êtes en train de transpirer comme c'est pas possible, puis vous ne voulez pas transpirer. Transpirer pareil. Oui, mais c'est parce que la transpiration refroidit votre corps. Pourquoi les foutus enfants ne transpirent pas comme nous autres, d'abord? Il y en a que c'est nous autres qu'il faut que ça transpire pour refroidir le corps. Les enfants, eux autres, n'ont pas besoin. On peut s'amuser. Moi, ce que je vous dis, c'est que si on se met à observer les choses, bien, écoutez, ce qui ne se peut pas, là, c'est juste de ça qu'il y a. Puis notre ego logique, il devient fractionné. À un moment donné, on ne voit plus. On devient très, très, très fractionné. Si on regarde des enfants, on comprend tout. Si on regarde des adultes, on comprend tout. Si on regarde des vieillards, on comprend tout. Si je vous dis, moi, faites donc des passerelles entre tout ça, là, comment ça se fait que là, c'est le même, que là, c'est pas le même, puis que là, c'est encore différent? Oui, mais c'est normal. Pourquoi? Je n'ai pas de raison. Moi, j'ai pas besoin de barbe. J'ai jamais eu besoin. Ah oui, mais c'est normal. Pourquoi les jeunes garçons n'en ont pas? Pourquoi les femmes n'en ont pas? Ah oui, mais c'est à cause que... Mettez-moi-en des à cause, sauf que c'est ridicule pareil. Hein? C'est pas... Comme les femmes être menstruées régulièrement pour rien. Ah oui, mais c'est normal. Je m'en fous que c'est normal. Pas intelligent pareil. Il y a des femmes qui ne sont pas menstruées et qui ne sont pas malades. Il y en a d'autres qui ne sont pas menstruées et qui vont finir par souffrir d'ostéoporose. On doit se reprogrammer. Se reprogrammer, ça veut dire s'ouvrir à n'importe quoi. D'ailleurs, moi, si au départ de mes conférences, je ne m'étais pas autorisé à dire n'importe quoi, je n'aurais jamais fait. Et c'est vrai. Mais il y en a qui étaient là au début, ils savent. Et ce que je dis reste intéressant, autant que votre n'importe quoi peut être intéressant. La seule différence, c'est que moi, je le dis sans en douter. Ça ne veut pas dire que j'y crois. Ça veut dire que j'en doute pas. Et je me suis toujours autorisé à changer d'idée n'importe quand. C'est le processus même de la vie. J'ai toujours expliqué souvent aux gens au début que j'apprenais beaucoup quand je parlais. Je m'écoutais et je me trouvais intéressant. Les professeurs n'ont jamais aimé ça, ma mère non plus. Ils trouvaient que c'était « ouais, tu te prendrais un autre ». Je disais « non, je suis un autre. Je suis moi. Vous me prenez pour un autre. » Qui n'est pas à la hauteur de ce que je suis. Si on se reprogramme, on ouvre des portes. Un déglissement homochronique, donc, à l'amélioration de sa vie, de sa condition. Pas parce que vous contrôlez des éléments, pas parce que vous voulez, pas parce que vous êtes tout, etc. Ça n'a rien à voir. Il y a une nuance marquée entre ce que vous voulez vivre et ce que vous vivez. Il y a deux façons d'éliminer la nuance. De finir par changer ce qu'on veut vivre. Pour décider qu'on veut vivre ce qu'on vit, bon, c'est une façon de faire. Moi, elle ne me dérange pas. Dites-moi, vous êtes bien. La majorité, vous ne pourrez pas faire ça. Donc, vous allez être à la recherche de mécaniques pour changer ce que vous vivez, pour arriver à rejoindre ce que vous voulez vivre. Mais ça, on n'y parvient pas. Du moment qu'on réussit à avoir un morceau, on en perd un autre. On en place un autre là, on en perd un autre là-bas. Puis c'est sans arrêt comme ça. On peut comparer la vie à un jeu qui existe sur ordinateur, où on a un petit bonhomme, là, vous devez le promener. Là, il prend un bâton, il met une assiette là-dessus, puis il a fait tourner. Là, il part, puis il a fait tourner un autre. Vous gagnez quand il fait tout tourner, il y a 25. Ça, c'est la vie, ça. Quand il y a 25, là, vous êtes heureux. Vous êtes rendu ici avec l'assiette, là. Placez notre assiette là, là. Hop, là-bas, ça s'en va. Puis là, vous revenez en courant. On relance celle-là, on relance celle-là, on relance celle-là. Hop, là-bas, va tomber. On relance celle-là, on essaie d'en mettre une autre. On repart là-bas, puis finalement, j'ai mes 25 assiettes. Êtes-vous heureux? Non, pas le temps. Là, c'est ça. Oui, parce qu'il faut maintenir les infrastructures du bonheur dans un monde où c'est illégal. Alors, il y a une façon de vouloir modifier sa vie. Il y a une façon de vouloir avancer dans sa vie. Il y a une façon de vouloir structurer sa vie. Moi, ce que je fais, moi, ce que j'aimerais faire, c'est de changer de monde. Pas me suicider, là. Vivre. Mais vivre dans un monde qui de plus en plus me ressemble. Et ça se fait. Mais pas en changeant le monde. Non plus. Ça se fait pas, ça. En changeant de monde. Il y a un bonhomme qui disait à un moment donné que si tu cesses de jeter tes papiers par la fenêtre de ton auto, la planète va être plus propre. C'est-tu niaiseux? Parce que mon petit Kleenex n'est pas dehors. C'est vrai qu'elle est plus propre, tu sais, c'est mentalisé, j'ai un Kleenex de moins. C'est pas ça. C'est que l'être humain qui fait ça glisse lentement dans des homochrones où les autres aussi font ça. Donc, progressivement, la personne va dire, tu vois, ça finit par engendrer un mouvement collectif. Écoute, ils m'ont jamais vu comment ça allait faire pour engendrer un mouvement. Non, tu glisses dans des homochrones où les gens sont comme toi. Mais parce que vous continuez à polluer encore, en vous lavant avec du savon qui n'est pas biodégradable, par exemple, bien, vous restez dans les homochrones où il y a encore du monde qui jette leur papier par la fenêtre de leur automobile, même si vous ne le faites pas. Donc, on vous reste dans un monde équilibré. Il faut que tu équilibres. Si vous reprogrammez, pour se reprogrammer, vous devez jouer à des jeux. Mais sachez que vous vouliez jouer ou non, vous jouez de toute façon. Puis si vous ne jouez pas consciemment, mais en plus de jouer, vous vous faites jouer. On est souvent perdant. On est occupé en tabarouette à maintenir ce qu'on a. Alors, ce que vous devez faire, et ça fonctionne bien, très bien. L'humain a déjà trouvé ces choses-là, l'humain s'est essayé, mais sans comprendre les mécaniques. Puis quand l'humain arrive à un seuil de pression, il succombe. Et à un moment donné, il lâche ses mécaniques. Écoutez, les mécaniques qui vont vous amener à glisser d'homochrone pour vous rendre un peu mieux, plus heureux, plus heureuse, plus riche, plus confortable, plus en santé. Ce sont des mécaniques illégales dans le chronotope actuel. C'est pas permis. Pas par les juges. C'est pas permis. Mais c'est faisable. Il y a des mécaniques par l'intelligence qui peuvent vous permettre de fuir. Parce qu'à un moment donné, quand on devient un petit peu trop heureux, on finit par écœurer tellement le chronotope qu'il essaye de nous assommer. S'il ne peut pas, il nous prend et il nous tire dans le bon chronotope. Là, on a la peine. Le jeu, c'est simple. Vous devez définir, créer, utopiser, créer un personnage qui a toutes les qualités que vous aimeriez avoir. Là, dites pas qu'il n'y a pas de défaut. La polarité, là, c'est ça. Que les qualités que vous aimeriez avoir. Qui vit dans un monde dans lequel vous aimeriez vivre. Qui a la matière, les amis, le contexte social, la santé, le corps. Un personnage qui finalement a tout ce que vous aimeriez avoir. Puis quand ça c'est bien fait, vous avez deux choix. Être jaloux, comme ça vous allez pouvoir souffrir, vous démoraliser de ce que vous n'êtes pas, ou essayez maintenant de prendre exemple sur lui. La reprogrammation de l'ego n'est pas un processus mental, c'est un processus astral. C'est un processus égoïque, psychologique. Donc, vous ne devez pas essayer par votre raisonnement mental de programmer un ego. Vous ne pouvez pas communiquer dans une langue à quelqu'un qui en parle une autre. Oui, mais sa langue, elle est trop basique. Oui, mais c'est celle-là qui parle. Donc, il parle en basique, il parle avec lui. La majorité des enfants peuvent se créer des mondes en ayant des idoles. Hélas, on leur présente de plus en plus des idoles qui n'ont aucun foutu bon sens. Toutes des gratteurs de guitare ou en tout cas, bon. Des gens qui n'ont pas de sens. Moi, il y a un bonhomme, quand j'étais jeune, qui était mon idole. C'était un gars qui n'existait pas. Il s'appelait Bob Moran. Mais Bob Moran a fini par m'amener au Guatemala, en Amazonie, au Salvador, au Mexique. J'ai même descendu le Ucayali jusqu'à l'embouchure de l'Amazon. Puis, à un moment donné, en relisant un de ses livres où lui avait été là, je me suis rendu compte que Henri Vernès, connu sous le nom d'Henri Verne, n'a pas été là. Parce que dans le roman, Bob Moran, il remonte le courant de l'Amazon jusqu'à le Ucayali, mais en réalité, le courant, il descend. Moi, je le sais que j'y étais. À un moment donné, ça a été Doc Savage. Lui, c'est un scientifique un peu plus. Mais tout ça a fait en sorte que moi, j'ai glissé dans des homochrones où il y a de l'action, où il y a de l'aventure, où le héros aidait. J'ai aidé énormément. J'ai eu Docteur Justice, un médecin pour l'OMS. J'ai failli travailler pour l'OMS. Pour Guatemala, j'ai même travaillé pour l'OMS. Mais finalement, je me suis retrouvé dans les milieux de médicaux d'urgence. J'ai adoré. Et puis, bon, mais ma jeunesse, moi, elle n'est pas finie, j'ai encore des idoles. Tintin, c'était une de mes grandes idoles, c'était encore d'ailleurs, j'ai toute la collection, j'ai eu ça à ma fête. Quand j'ai été au Pérou, c'était quoi mon voyage, mon itinéraire? Bien, c'est ce que Tintin faisait dans le Temple du Soleil. On est allé à Callao, on est allé Hau-Hau, lui est allé, on a fait à peu près les mêmes affaires, puis finalement, on a vécu le voyage qu'aucun touriste va vivre. Ça fut génial. Ça a l'air niaiseux en mode Daniel Kemp, c'est le grand Daniel Kemp, il lit Tintin, il s'en va avec son Pérou, avec sa gang, là, avec Dupont, puis bon. Et oui, c'était très plaisant, très plaisant. Mais les homochrones, il faut les placer, mais c'est des choses qui nous est arrivé, des choses là-bas qui tiennent à peu près tous du miracle, mais qui tiennent uniquement de l'aventurier. Un aventurier, pas celui qui coupe les filles, là. Un aventurier, là, un globe-trotteur. C'est drôle qu'il survit, alors qu'il est touriste de misère. Mais c'est une question d'homochrone. Alors, une fois qu'on s'est fait une idole, cette idole-là, vous devez lui donner un nom. Ce nom-là, c'est un nom fictif. Ça ne peut pas être votre nom. Ce n'est pas vous dans l'avenir. Égologiquement, vous allez refuser ça. Vous ne pourrez pas y croire égologiquement. Peut-être y croire mentalement, mais vos structures égoïques ne pourront pas y croire. Donc, ça doit être quelqu'un. Lui, il peut, par exemple, vouloir être comme moi. Il peut. Il faut qu'il se coupe la moustache, il faut qu'il perde ses cheveux. Bon. Sauf que s'il se fait un modèle de lui dans le futur, égologiquement, il va tout faire pour lui fuir. Mentalement, il va tout faire pour y aller. Mais c'est l'ego logique qui décide le homochrone qu'on prend. Ça se passe là, pas là. Donc, il doit se faire un modèle extérieur, puis un modèle qu'il va commencer à vouloir copier. Programmation de l'ego logique. Son modèle, lui, a une femme, puis il découvre un soir que sa femme l'a trompé. Qu'est-ce que son modèle ferait dans une situation comme ça? Ça, il faut qu'il se pose. Et là, il va se dire, bien là, mon modèle, qu'est-ce qu'il ferait? À des enfants, je leur suggérais, à un moment donné, vous allez, par exemple, il y a des livres qui existent, ce sont les quatre as. Tu es perdu dans une ville que tu ne connais pas. Au lieu de broyer, demande-toi donc ce que les quatre as feraient. Puis tu vas savoir quoi faire. Ça veut dire que vous avez déjà le potentiel de résolution de problèmes, déjà le potentiel de faire plein de choses, de vivre heureux, d'organiser vos affaires, mais vous n'avez pas les structures pour le faire. Alors que si vous empruntez les structures de quelqu'un qui est capable, Bien, c'est comme si vous aviez quelqu'un pour vous dire quoi faire. Ça, c'est de la reprogrammation égologique. Autrement dit, on se détermine ce qu'on aimerait être, vivre, etc. Et là, on n'essaie pas de devenir comme ça. On essaie de laisser ce personnage-là, autrement dit l'idole, ce phénomène-là, vivre avec nous. Et ça, ça reprogramme l'ego. Ça reprogramme ce que nous sommes en tant qu'ego, pas en tant qu'intelligence. Jamais votre idole ne va vous faire faire des choses que vous ne feriez pas par votre intelligence. Le gros avantage là-dedans, c'est que vous avez un maître personnel qui vous suit tout le temps, puis qui ne peut jamais vous charrier, qui ne vous demandera jamais rien, puis qui ne peut pas vous amener des places qui n'ont pas de sens. Par contre, chaque fois qu'il y a des problématiques ou qu'il y a des réactions ou des choses à se poser, si on se demande comment l'autre ferait, dans la majorité des cas, on va avoir la réponse. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on remodèle l'ego logique à agir comme l'autre. Et progressivement, eh bien, c'est une vie qui ressemble à celle de l'autre qui commence à nous coller au corps. On ne se prend jamais pour l'autre. On joue, on ne se prend pas au sérieux. Mais on doit jouer sérieusement. Donc, on définit le modèle. Qu'est-ce que ferait dans telle situation? Est-ce que serait là en train de gueuler après l'autre qui l'a coupé avec son auto? Oh non, il y a bien d'autres choses à faire. Il serait en train de essayer de faire comme ça. Laissez-vous essayer d'imiter l'idole. Prenez-vous pas pour lui. Agissez comme lui. Moi, je m'en vais dans la jungle et là, je me demande, bon, j'amène quoi? On a un guide indigène qui veut nous amener, puis il nous dit, non, vous venez de même, puis il est nu-pied, tu sais, bon, puis bon, on a nos bottes, mais quand même. Puis là, je me dis simplement, qu'est-ce que tel ou tel ou tel ou tel héros amènerait? Même si un indigène lui dit, pas de problème. Ah, ben là, on amène ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, comme le héros, pas comme le touriste. On irait comme le touriste, on n'amènerait rien ou trop de choses. Et puis là, on part. Des fois, il ne se passe rien. On traîne ça pour rien. Puis le héros, il nous dit, tu ne traînes jamais ça pour rien. Une des bonnes façons qu'il ne t'arrive pas de problème, c'est d'amener du matériel comme ça, tu ne t'en serviras pas. Mais si tu ne l'amènes pas, et comment ça se fait ça? Parce que si on ne l'amène pas, on recherche les problèmes, on va s'organiser pour glisser là où on aurait besoin. Hey. Je n'ai jamais eu de problème. J'ai voyagé, j'ai été dans des places que... À partir d'ici, souvent, je me dis comment j'ai fait pour me rendre, pour aller... Oui, mais en 85, je suis retourné 10 ans après mon premier voyage, puis finalement, j'ai m'est arrivé des aventures aussi impossibles, dangereuses ou abracadabrantes, invraisemblables. Puis aujourd'hui, si je me mets encore à étudier ça dans le modèle de l'adulte de mon âge vivant au Canada, je me dis, fallait être fou. Bien, les fous, ils s'en sortent bien, ils ont du plaisir, puis ils ont de quoi compter. Donc, on peut, si on a un ego logique préparé d'une certaine façon, faire des choses qui, comme telles, n'ont pas de sens dans une autre version d'ego logique. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est de prendre le temps. Je sais que vous allez avoir des pressions, des occupations pour ne pas penser à le faire, pour ne pas le faire comme il faut, pour oublier après. Hein, on prend des bonnes résolutions, puis on les oublie. C'est normal, c'est la nature humaine. On s'est fait un agenda, puis on ne sait plus où ce qui est. Bon, c'est la nature humaine. Faire un modèle. Une des choses qu'on peut faire, un, se trouver déjà un modèle. Dans les romans, à la télévision. Là, il y a une émission qui vient de sortir qui est très intéressante, c'est Les aventures du jeune Indiana Jones. Pour les jeunes, bien, au moins, on a un modèle de quelqu'un qui comprend pourquoi il faut apprendre des langues, qui comprend l'instruction, qui... Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'émission qui avait de l'allure. Il y avait Lassie avant, il y avait des choses comme ça. Lassie est revenue. Bien là, c'est plus pour le chien, là. En tout cas, mais se trouver un modèle, mais pas un modèle émotif, un modèle qui répond à votre besoin au niveau de l'intelligence. Par exemple, Mitsu ne peut pas être un modèle. Elle est correcte en tant que personne. Un chanteur ne peut pas être un modèle. Parce que vous voulez glisser dans des homochrones, premièrement, ils sont malheureux la majorité, ils ont des fatigues, on ne l'a pas du tout. C'est un homochrone égoïque. J'aimerais être aimé comme eux autres. J'aimerais être apprécié. J'aimerais être populaire. J'aimerais... Oui, mais c'est un mot, il y a un paquet de problèmes avec ça. Non, des héros qu'on peut les rencontrer, aussi bêtes que Tintin, par exemple, ou des. Oui, ça, c'est bien. Du bon monde. Ça peut être des femmes, ça peut être. Bon, il y a des choses à chercher. Ceux qui ont lu la Cité de Sète à l'intérieur, il y a en masse de personnages qui répondent à des attentes au niveau d'intelligence. Que ferait telle ou telle personne, homme ou femme ou enfant? Parce que dans la Cité de Sète, on a de toute façon les héros, ils sont de toutes les couleurs et de toutes les âges, de tous les sexes. Que ferait telle personne dans telle situation? Bon, etc. De laisser le modèle vivre avec nous autres. Progressivement, on reprogramme l'ego logique, puis le modèle, on le forme. C'est notre intelligence qui forme le modèle, mais le modèle, lui, a la capacité de parler à notre ego. Alors que nous, l'intelligence, on ne parle pas à notre ego, on ne peut pas lui parler. Hey, écoute, relaxe le cœur un peu. N'a rien à foutre. Vous avez peur? Arrête d'avoir peur. Il vous écoute jamais, jamais, jamais, jamais. Faut pas que tu manges ça. Regarde les pressions qu'il y a dedans. Monsieur veut manger ça, madame veut manger ça pareil. T'sais, relax, cesse d'être en colère. Après, quand il aura fait ce qu'il veut, il va s'en aller. Là, vous allez pouvoir contempler ce que vous n'aviez pas voulu faire. Donc, c'est important de trouver le modèle, créer, constituer le modèle et le laisser venir vivre avec nous. Quand vous rentrez dans votre chambre, exemple, plusieurs, est-ce que votre héros, votre idole, votre modèle a une chambre comme ça? Dans certains cas, en tout cas, c'est plus propre. La maison, c'est la même chose. Là, vous dites, oui, mais je suis pauvre. Votre héros, condamné à vivre dans une situation comme la vôtre, s'en sort comment? Vous allez voir les processus métacognitifs et le paquet de processus de transfert de votre intelligence versus le moyen pour programmer, l'idole, et votre ego. Vous allez voir les ressources phénoménales qui existent dans le modèle, hein, qui existent chez vous, mais que vous ne pouvez pas transférer à votre ego autrement que par le biais de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui viennent me voir me dire, je veux vendre ce produit-là. Selon toi, es-tu bon? Écoute, je dis, c'est pas à moi de décider. Toi, tu le trouves-tu bon? Oui, moi, je le trouve bon. Moi, chez moi, c'est impeccable. C'est ce qu'il y a de mieux. J'ai jamais vu rien d'aussi bon. Mais je veux ton opinion. Il a besoin pour pouvoir transférer certaines choses à l'ego ou de l'ego à l'intelligence de passer par quelqu'un d'autre. Mais le quelqu'un d'autre, il est soumis aux mêmes lois chronotopiques. Moi, je peux l'enguirlander, je peux le mettre sur un mauvais chemin, je peux faire plein de choses. Alors, vous devriez vous payer le luxe d'avoir une tierce personne. Une tierce, en tout cas, une double, un autre, une tierce. Bon. Qui est conçu à partir de votre attente au niveau de l'intelligence. Lui est et vit. Puis c'est comme ça que vous aimeriez être et vivre. Et pour reprogrammer, lui doit vous conseiller. Comment t'as fait de t'en sortir? Vous vivez dans votre vie, puis là, vous vous posez des questions. Vous allez au restaurant, là, bon, parfait. Qu'est-ce que je mangerais? Vous allez regarder les menus, peut-être vous allez dire, irai ailleurs. Oui, il mangerait le menu. Des fois, c'est mieux pour la santé. Mais vous devez essayer au maximum d'écouter l'idole. Minimum, vous allez pouvoir conscientiser les pressions phénoménales qui existent pour vous conserver dans des holocrons qui ne sont pas en rapport avec vos besoins au niveau d'intelligence. Au moins, vous allez voir que ce que je dis, c'est très pratique, ce n'est pas théorique. Il y en a qui le savent déjà parce qu'ils vivent en masse. Mais on essaye au maximum d'écouter le héros. Mais le héros, ce n'est pas un maître qui, après trois, quatre fois que vous ne l'écoutez pas, va vous envoyer promener. C'est un personnage fictif que votre intelligence domine. Alors, le héros irait manger ailleurs, là, mais vous vous dites, la pression est forte, puis finalement, vous êtes pris, puis finalement, vous mangez ça. Vous ne vous culpabilisez pas. Le héros, après avoir mangé ça, il ne se culpabiliserait pas. Il en rirait. C'est très important. Puis le héros, il ne vous lâchera pas après 20 fois, après 20 ans de problématiques. Il est toujours là. C'est vous qui décidez. C'est un modèle. Comment lui vivrait-il dans une situation comme ça? Puis comment s'arrangerait-il pour en sortir? Là, vous allez voir, votre héros, par exemple, il ferait ça, ça, ça. Là, vous allez vous dire, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Pas de problème. C'est parce que là, vous allez trop vite. Alors, immédiatement dans votre vie, là, il se passe quoi, là, qui serait intéressant de régler? Ça peut être juste le ménage, votre relation de couple, votre relation parent-enfant, enfant-parent, votre relation extérieure, votre relation professionnelle, les idées que vous avez, la gestion de votre vie. Mais votre héros, lui, s'arrange. Il s'arrangerait pour se donner des outils, pour réfléchir de telle façon, pour modifier certaines situations. Et en s'accolant à ce modèle-là, vous allez avoir un moyen très, très, très pratique et efficace de permettre un transfert de votre intelligence vers votre ego. Reprogrammation d'ego logique parce que le langage se fait en mode ego, en mode émotif. C'est une personnalité que l'ego va apprendre à aimer. Il va y croire. Sauf que l'ego ne peut pas contrôler, c'est les messages de la personnalité. Ces messages-là viennent directement de votre intelligence. Et l'ego va aussi être capable de communiquer par le biais de la personnalité à votre intelligence. Vous allez mieux vous comprendre, mieux vous connaître, mieux vous apprécier, mieux vous tolérer, plus vous laisser de chance, vous allez être capable de vous comprendre. Et en même temps, vous allez lentement développer, tout seul, sans effort et sans contrôler, une dynamique qui va vous amener de plus en plus facilement vers une vie homochronique plus heureuse. Parce que vous allez vous reprogrammer. Mes héros, moi, s'en sont toujours sortis. En 1976, j'avais 18 ans, j'étais avec un padre, un moine missionnaire dans la jungle. Il y avait eu un tremblement de terre au Guatemala, il y avait des conflits de guérilla. Et puis, à un moment donné, avec une sœur, on prend un jeep, on s'en va, c'était la nuit, on ne voulait pas y aller le jour. La nuit, c'était plus sécuritaire. On avait besoin d'un camion de transport de troupes pour transporter des gens d'une place à une autre. En tout cas, bon. Et sur le chemin, la nuit, on s'en va, puis à un moment donné, on rencontre une espèce de gros barrage dans le chemin. C'est des chemins de terre là-bas, des chemins de roches et de trous plutôt. Et puis, bon, alors, on doit passer dans l'accotement, on contourne l'affaire, mais il n'y a personne, on ne comprend pas, allez, on s'en va. Alors, on va rejoindre des individus qui ont des camions de transport, et le lendemain, ils doivent venir jusqu'au village où on est. Bon. En revenant la nuit, c'est moi qui conduis. Alors, c'est la sœur conduisant en s'en allant, puis là, elle me demande si je veux conduire, je conduis. Et puis, à un moment donné, bien là, on arrive au foutu barrage. Mais là, en arrivant là, on se rend compte que là, il y a de l'activité. La sœur me dit d'éteindre les lumières de la Jeep. Alors, c'était un Land Rover, on a noté les lumières. On continue à avancer lentement. Et finalement, elle me dit « écrase ». Alors, moi, j'écrase, mais là, le gaz, une chance, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Et puis, on est repassé dans le chemin, etc. Puis là, on a vu qu'il y avait du monde, puis ça criait, c'était tout excité, là. Puis une fois qu'on a passé, bien là, on a entendu la mitrailleuse lourde. Il y avait une telle à tourner de bord, puis il nous tirait dessus. Mais c'est la nuit, puis les chemins, c'est des serpents, fait qu'on était correct. Bon, et quand on est passé la première fois, je ne sais pas s'il était parti pisser ou souper, là, mais il était en train de faire un barrage, il ne l'avait pas fini. Mais quand on est revenu, il était en train de finir de monter leurs affaires, puis on les a surpris. Mais mes héros s'en sortent. Un jour, je prends un taxi pour monter dans les Andes, puis le chauffeur fait une crise de cœur en montant. Enfin, il y a une grosse crise d'angine, il y a des problèmes, il se tient le cœur, de la misère à respirer, parce qu'il manque d'oxygène. Alors finalement, bien, c'est moi qui ai conduit le taxi pour descendre en bas. J'en veux pas de problème, ramasser avec un mort au Pérou, c'est pas fort. Alors on descend, il revient, puis il revient en parfaite santé. J'ai vu qu'il nous avait volé de l'argent parce qu'il nous avait chargé pour tous les passagers qui pouvaient rentrer dans l'automobile, même si on n'était pas nombreux. Là, il nous en a remis plein. Là, on a pris un autobus qui nous a chargé aussi pour nos sacs à dos et pour nous autres. Mais mes héros s'en sont toujours sortis. Je m'en suis toujours sorti. J'en ai un paquet de héros. Moi-même, j'en suis devenu un pour moi. Puis c'est pas se prendre pour un autre, c'est s'aimer. Puis j'ai d'autres modèles qui m'intéressent, dépendamment de comment je veux vivre. Si vous êtes capable de créer un modèle cocasse, correct, un modèle qui est suffisamment polyvalent, un modèle qui est correct, un modèle d'homme, un modèle de femme, ça n'a aucune importance. Et si vous êtes capable de laisser le modèle venir vivre avec vous, vous vous donnez un outil qui est capable d'allier l'intelligence et l'astral, un outil que l'humain n'a jamais eu. L'humain a tenté, parce que c'est pas nouveau ça, d'instinct. Plusieurs personnes ont recherché des modèles, et en recherchent encore. L'adulte, normalement, il finit par laisser tomber. Ce qu'il ne coupe plus grand-chose, ou il va prendre comme modèle Dieu, Jésus. Mais les modèles de Jésus, par exemple, j'ai déjà eu Jésus comme modèle, des fois je l'ai encore. Mais moi, ce n'est pas le Seigneur, celui qui saigne sa croix, le Seigneur. Ce n'est pas lui que j'ai eu comme modèle. Moi, ça a toujours été un être humain, l'idée que je me faisais de ce qu'il pouvait être. Qu'il ait existé ou pas, aucune importance. Ça me plaît, le modèle. Un gars comme lui, ça me plaît. Alors, à un moment donné, ben, c'est lui qui vient là, mais pas spirituellement. Je ne dis pas « Jésus est avec moi ». Non. Et Jésus ferait quoi dans l'affaire de même? Ça me donne une idée. Et si, comme le gars me plaît, l'image me plaît, ben, je peux agir comme ça. Spirituellement, les gens vont essayer de copier Jésus sur la croix. Jésus martyr, Jésus flagellé. C'est normal, ça permet de souffrir. C'est une façon simple. Simple ne veut pas dire rapide. Ça peut être rapide, mais facile à appliquer pour parvenir au bonheur. Reprogrammer ses structures égologiques pour cesser d'avoir besoin de lire les journaux où il y a des cochonneries, de regarder des films qui n'ont pas de sens. Plus vous allez couper ça, plus votre ego se reprogramme différemment, et plus votre vie va changer, puis plus ils vont sortir de films pour vous. Bien, vous allez glisser là où ils en font. C'est ma dernière conférence. Effectivement, pour le séminaire, j'en donne un dernier dans quelques mois. Les conférences réservées aux séminaristes continuent. Les activités réservées aux séminaristes continuent. Alors, pour ceux et celles qui hésitent depuis longtemps, bien, c'est une chance que vous avez là. Ce n'est pas pour vous vendre un séminaire, je vous dis simplement que c'est le dernier que je vais faire probablement, en tout cas avant très longtemps, parce que je veux travailler avec bon, un langage différent, avec des gens qui ont déjà aussi un potentiel différent au niveau du langage. Le séminaire permet d'ajuster certaines choses. Et puis il y a des activités que l'Académie va continuer à offrir pour l'ensemble des gens. Si vous êtes intéressé à être tenu au courant, bien, vous devez au moins remplir un formulaire pour qu'on puisse vous envoyer des informations une ou deux fois par année. Des activités qu'on va faire qui sont pratiques, qui sont intéressantes. Puis là-dessus, eh bien, pour ceux que je ne reverrai pas, bonne fin de vie, puis arrangez-vous pour être heureux, tant qu'à y être, ça ne sera pas mauvais non plus. Alors François, peut-être quelque chose à vous dire encore, puis là-dessus, bien, je vais vous laisser.